quatrième et dernier temps de notre série sur l'histoire des jeunes filles. Aujourd'hui, les filles rebelles au XXe siècle. Après avoir lundi évoqué les filles du milieu rural d'Anjou dans le premier XXe siècle, puis suivi le destin tragique et méconnu de la jeune juive mulhousienne Lili Epstein, assassinée à Auschwitz, c'était dans le documentaire de mardi, nous être intéressés hier au contrôle médical ou religieux du corps des jeunes filles au XIXe siècle, nous allons aujourd'hui voir comment nous sommes passés du modèle de loi blanche dont on parlait justement hier à celui de la fille rebelle à l'autorité, qu'elle soit paternelle ou étatique. Un débat co-animé par Séverine Yattard, qui a préparé toute cette semaine avec nous, et avec Véronique Blanchard, elle est historienne, elle est responsable du centre d'exposition Enfants en justice à Savigny-sur-Orge, et avec David Niger, il est maître de conférence au centre de recherche historique de l'Ouest à l'université d'Angers. Ils sont tous les deux auteurs d'un livre paru l'année dernière chez Textuel, « Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles ». Mais vous savez que nous sommes jeudi, et le jeudi il y a toujours le feuilleton sur l'histoire, la fabrique de l'histoire scolaire, la façon dont on enseigne aujourd'hui l'histoire en France, et là nous allons du côté des Ardennes avec un enseignant, Nicolas Charles. Il parle de carte mentale. Vous allez tout de suite savoir de ce dont il s'agit. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Des dates, c'est un pyro, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Des dates, c'est un pyro, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il avait à apprendre pour aujourd'hui. Nicolas Charles, professeur d'histoire au Collège des Deux-Vallées de Monthermé, dans les Ardennes, organise aujourd'hui un atelier carte mentale avec ses élèves de 4e. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la fin de notre séquence sur la 3e République et sur l'histoire du droit de vote en France. Et on va essayer de voir comment, à partir de ce qu'on appelle une carte heuristique, ou ce que moi j'appelle simplement une carte mentale, comment travailler pour réviser la leçon, pour, à partir de mots-clés, essayer de remettre en place un petit peu ce puzzle historique qui vous fait comprendre ce qu'est une leçon d'histoire. D'accord ? Donc normalement, vous êtes tous, je le sais, de très bons élèves. Vous avez révisé votre leçon. Donc à partir de là, moi, je vais installer, comme d'habitude, le mot-clé au tableau. Et c'est vous qui allez travailler autour de ça. Ok, ça va ? Pas de questions ? Bon. Alors, je commence comment ? Qu'est-ce que je mets au milieu ? Le titre. Donc le titre de la leçon, on va mettre quoi ? On a dit la Troisième République en France. Les dates, on est en histoire. Au 19e siècle. Oui, plus précis. 1870-1940. Voilà, 1870-1940, d'accord. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie de la leçon, c'était, Pierre, l'histoire du droit de vote. Ok. Maintenant, pour travailler autour des mots-clés, on va travailler avec quoi? Donc, on respecte les couleurs. On met en général le titre de la partie 1 ou de la partie 2, du grand 1 ou du grand 2. Donc là, ici, c'est facile, on n'en a que deux. Alors, je vous écoute. La langue complète du droit de vote. Voilà. En France, on peut préciser, puisque ça ne serait pas tout à fait pareil à l'étranger, hein, notamment par rapport aux femmes, puisqu'on va en reparler. Et ensuite, deuxième partie, grand 2 de la leçon, ça serait quoi, vas-y, monsieur Menet? La Troisième République. Exactement, la Troisième République. Alors, ce que je vous propose, ça va être à vous de travailler un petit peu à partir de cet item sur la Troisième République pour essayer de reconstituer un petit peu comment la Troisième République a permis l'enracinement de l'idée démocratique et républicaine en France. Il faut répondre un petit peu à cette question. D'accord, vous faites ça sur la page de gauche. Vous mettez ce mot Troisième République au milieu de la page et vous construisez par petits groupes de quatre, vous essayez de réfléchir qu'est-ce que cette République a fait. Allez au travail. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on cherche dans le manuel des dates pour les placer sur notre schéma qu'on va faire. Donc vous allez essayer de retirer toutes les idées importantes, enfin ce qui vous semble être les grandes idées clés. On a déjà eu les idées, la proclamation de la Troisième République, après le début de la laïcité. Tu as mis autre chose sur toi ? On a juste mis le suffrage universel. D'accord. En fait, mon schéma, je l'ai détaillé. J'ai mis les trois grands titres en vert, et puis après j'ai mis tous les sous-titres en noir, et puis après je détaille. Par exemple, les sous-sous-titres, donc il y a les grandes lois, et dans les grandes lois, tu détailles encore. Et qu'est-ce que tu as mis, toi, dans les grandes lois ? Les grandes lois, j'ai mis loi Ferry, la liberté de la presse, les associations, la loi sur le divorce, l'autorisation des syndicats et la séparation des églises et de l'État. Donc ça, c'est des mots-clés que tu vas retenir, du coup ? Oui. Ouais. Et donc, tu dois faire quoi, là, maintenant ? Là, après, je vais redétailler, je vais préciser des choses sur la loi et préciser les dates. C'est infini, en fait. Hein. On peut faire un schéma comme ça. Ça va, ça avance ? C'est fini ou pas ? Allez, pêchez-vous. Je rappelle, hein, le but du jeu à travers ça, ça va être de que sur votre carte mentale ressortent les grandes dates, les grandes ruptures et les grandes lois qui ont fait la Troisième République avant la guerre de 14. Cette combinaison sous forme de schéma, l'objectif en troisième et surtout au lycée, ça va être d'arriver après à produire une dissertation. En fait, on est là aussi dans la méthodologie, dans l'entrée, dans ce que nous, au collège, on appelle une réponse argumentée, une réponse longue, quelque chose d'à peu près construit qui prépare la dissertation au lycée. Et puis, hiérarchiser aussi les informations. Mmh. C'est ça, c'est l'idée aussi. Souvent, ils ont tendance à se focaliser sur un exemple ou sur une date. Tandis que là, le but du jeu, avec un code couleur qui est à peu près le même que celui des grandes parties dans le cahier, ils peuvent arriver à hiérarchiser, comme dit l'information, et donc savoir où utiliser quelle partie ou quel exemple à quel moment. Et en termes de résultats, c'est assez efficace. Oui. Ouais. Surtout au niveau des compétences. C'est-à-dire que là, même un élève qui... ne s'intéresse pas trop et plutôt moyen, il mobilise quand même ce qu'il a de connaissances ou ce qu'il a écouté en cours et il peut le réutiliser après. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pour ce nouvel épisode du feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire proposé par Séverine Yatard. La prise de son était assurée aujourd'hui dans les Ardennes par Clémence Bonfils et la réalisation par Séverine Cassard. Vous pouvez bien évidemment télécharger séparément de l'émission du jour pour garder avec vous l'ensemble de ce feuilleton, cet épisode d'aujourd'hui. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Sont-elles ces femmes nouvelles ? Ce ne sont pas les charmantes et pures jeunes filles dont le roman s'interrompait par un heureux mariage. Ce ne sont pas des épouses souffrant de l'infidélité du mari ou coupables d'adultère elles-mêmes. Ce ne sont pas de vieilles filles pleurant un amour malheureux de leur jeunesse. Ce ne sont pas des prêtresses de l'amour, des victimes de tristes conditions de vie ou de leur propre nature vicieuse. Non, c'est un nouveau type d'héroïne avec ses propres exigences devant la vie. Un type qui affirme sa personnalité, qui proteste contre le multiple asservissement de la femme dans l'État, dans la famille, dans la société. Un type qui lutte pour ses droits et qui représente le sexe. Femme célibataire, tel est le nom qu'on donne de plus en plus souvent à ce type. Un texte d'Alexandra Kollontai, la révolutionnaire, donc un texte qui date de 1919 en Russie bolchévique. Un texte qui est une sorte de Préface, pourrait-on dire, à notre discussion d'aujourd'hui sur les femmes nouvelles du XXe siècle pour faire suite à l'émission d'hier, texte tiré de l'excellent ouvrage qui vient de paraître chez Perrin, L'Europe des femmes, un texte, donc un ouvrage qui a été coordonné entre autres par Julie Legac et Fabrice Virgili et qui rassemble des textes sur la question des femmes depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle en Europe ces temps-ci. Bonjour Séverine Yattard. Bonjour. Bonjour à vous Véronique Blanchard. Bonjour. Et bonjour à vous David Niger. Bonjour. Évidemment, un texte que j'ai lu sur une musique qui vous a plu, David Niger, parce qu'elle a été choisie par Séverine Cassard et par Séverine Yattard, et parce qu'elle dit quelque chose à tous ceux qui ont vu le film Bande de filles. Oui, tout à fait. Et moi, je l'écoute avec mes filles, Rihanna, régulièrement. Et en effet, cette scène du film de Céline Sciamma, dans lequel on voit les filles se lâcher sur la musique, est magnifique. Et entre elles. Oui, et entre elles. Dans une chambre d'hôtel, donc, et qui donc montre aussi la nouvelle liberté des jeunes filles, en particulier de ces jeunes filles de banlieue parisienne dans la société d'aujourd'hui. Alors, on va revenir un peu en arrière avec vous, Véronique Blanchard. Vous n'avez pas introduit dans Mauvaise fille, incorrigible et rebelle cet exemple, mais vous auriez pu les mettre, ces jeunes filles de Céline Sciamma, dans ce livre qui est paru aux éditions textuelles l'année dernière. Oui, le dernier portrait, Mariem. La crapuleuse ressemble quand même beaucoup. Aux jeunes filles de Bande de filles ou de Divine. Ouais. Et ce sont bien sûr aussi elles qui nous intéressent. Alors, si on repart de ce modèle que nous avions défini hier à propos du contrôle de la sexualité des jeunes filles, ce modèle qui était le modèle de loi blanche, donc qui s'est cristallisé autour du Second Empire, cette fille qui ne connaît rien à la sexualité et qui d'un seul coup donc va tomber dans les bras d'un mari qu'on lui a promis, il n'est pas exactement dans votre livre, parce que justement vous intéressez à toutes celles qui ne sont pas aux critères du 19e siècle des oies blanches, Véronique Blanchard. Exactement. Le livre émane d'un travail collectif de groupe autour d'une exposition qui s'appelait Mauvaise fille et qui réfléchissait effectivement à comment une oie blanche se salit et comment une oie blanche est perçue comme salie, surtout par la société, et comment elle peut se transformer assez rapidement dans le regard social du 19e, du 20e, du 21e siècle comme une mauvaise fille. Donc c'était tous ces chemins de la déviance, de la délinquance qui transforment former la pureté de la jeune fille, voulue, pensée par le 19e siècle, et très bien expliquée hier dans votre émission, comment très rapidement une jeune fille pouvait perdre cette pureté et cette virginité et être transformée dans le regard social comme une déviante, une délinquante, une mauvaise fille. Et on avait créé comme ça un jeu qui permettait de découvrir les différents chemins de la déviance et de la délinquance. Et c'est cette même architecture avec David Niger, qui faisait partie du comité scientifique de l'exposition, qu'on a essayé de retrouver dans notre ouvrage. C'est vrai que nous, hier, on a plutôt abordé d'une certaine manière loi blanche, la pédagogie de l'ignorance, bon, celle qui concerne la jeune bourgeoise. Hein. Et là, c'est vrai que la déviante, l'incorrigible, la rebelle, il est question de classe sociale, évidemment, dans votre livre tout au long, parce que il s'agit d'autres jeunes filles, même si, effectivement, elles sont aussi atteintes de cette, comme vous le disiez, Véronique Blanchard, c'est-à-dire elles peuvent être éclaboussées, mises au banc de la société. Pour les mêmes raisons. Oui, le modèle de loi blanche, il est d'autant plus compliqué qu'on appartient aux classes populaires. En fait, c'est une pure fiction, loi blanche, quand on regarde quelle est la vie ordinaire des filles des classes populaires. Et c'est même, on peut même considérer cet impératif comme une injonction contradictoire. Soyez pure, soyez vierge, soyez retirée dans le foyer domestique ou dans les pensionnats de jeunes filles, alors que la plupart des jeunes ouvrières parisiennes ou la plupart des jeunes filles campagnardes qui travaillent au champ sont confrontées au monde social, donc au péril, au risque, et elles sont en permanence sur le fil du rasoir. Oui, ce péril, ce risque qu'on voyait dans un film il y a 2 ou 3 ans, qui représentait la naissance du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, péril de la fabrique dans laquelle on travaille et dans laquelle on est exposé, en particulier au désir des hommes, à la volonté du chef d'atelier de coucher avec elle, etc. etc. Exposé, mais potentiellement coupable. Oui. Suspecte en fait en permanence. Suspecte, voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire, elles doivent se préserver au même titre que dans les classes bourgeoises, mais elles ont nettement moins de murs qui les protègent, enfin, ou de familles qui les protègent. Donc elles sont beaucoup plus exposées et pourtant elles doivent tenir le même type d'attitude que dans les classes bourgeoises et dominantes. Donc le péril est encore plus fort. Et puis il y a aussi des tentations. Elles ont aussi envie, parfois, tout simplement, De transgresser. Voilà, de transgresser, de sortir, d'aller au café, de rencontrer des jeunes hommes. Alors justement, elles ont moins de murs qui les protègent, donc on va créer des murs pour les protéger et les préserver. Vous dites bien, il faut préserver la jeune fille. Justement de la mauvaise vie. C'est ça. C'est-à-dire que les jeunes filles sont soumises à tant de tentations et elles ont tant tendance à y succomber qu'il va falloir absolument, et on peut reprendre la formule de Michel Perrault, qui est il va falloir à la fois les protéger et s'en protéger. Michel Perrault qui a en plus accepté de faire la préface de ce livre. Donc c'est ce double mouvement de protection qui va ériger des murs tout autour de ces mauvaises filles. Alors ce qui est très intéressant, intéressant que j'ai découvert en lisant votre livre Mauvaise fille, Véronique Blanchard et David Niger, c'est une sorte de géographie inconnue que vous révélez. C'est un livre, un beau livre, donc avec beaucoup de photographies en particulier qui sont tout à fait intéressantes, mais aussi des reproductions d'articles de presse, etc. Une géographie secrète de la France qui n'est jamais mise en avant, c'est-à-dire de cette France qui réprime les jeunes filles, qu'elles soient vagabondes, hystériques, prostituées, apaches, etc., etc. Et là, on voit naître des lieux qui ont été des lieux qui n'ont pas transmis leur mémoire d'une certaine façon, ou dont on n'a pas transmis la mémoire, mais qui ont été des lieux de répression, d'enfermement. Alors, il s'appelle Clermont dans l'Oise, il s'appelle Fresnes dans le Val-de-Marne, qui est maintenant connu pour sa prison, il s'appelle l'établissement du Bon Pasteur d'Angers, etc., etc., David Niger. Oui, on a essayé de faire fonctionner, pour dévoiler en effet cette géographie secrète, un certain nombre de lieux ensemble. On a essayé d'imaginer quels étaient pour les jeunes filles les lieux de la contrainte. Et alors certes, il y a ces écoles de préservation, comme on les appelle, ou ces bons pasteurs qui existent. Mais en amont de ça, il y a le foyer domestique, la rue, l'usine. Et on a essayé de faire fonctionner ensemble ce réseau en fait, des lieux qui étaient des lieux de la contrainte. Parce qu'au début, ce sont des institutions plutôt privées. Ce sont les couvents qui prennent en charge, oui, justement. Au début, au milieu et presque jusqu'à la fin. Voilà. Mais après, si le public va s'instaurer dans cette problématique, évidemment, l'État va intervenir. La spécificité de la déviance des filles est telle qu'on ne va pas prendre en charge les jeunes filles pour les mêmes raisons que les garçons déviants, et on ne va pas les prendre en charge dans les mêmes institutions. Et donc, on va confier au secteur, aux congrégations, et donc à ce fameux bon pasteur ou à ces refuges de la charité, on va confier les jeunes filles déviantes, les jeunes filles perdues, les mauvaises filles, à des religieuses, parce qu'on pense que réellement, c'est les religieuses qui vont pouvoir remettre dans le droit chemin, permettre à ces jeunes filles de retrouver leur pureté. Donc on va effectivement avoir un monopole de la prise en charge des filles déviantes dans ces institutions religieuses. Jusqu'à quelle date environ ? 1970. Ah oui, quand même. Extrêmement tardivement, oui, c'est-à-dire que nous avons énormément d'anciennes femmes, d'anciennes jeunes filles qui sont aujourd'hui des femmes, des grand-mères, comme elles disent, qui sont passées dans ces institutions dans les années 1950-1960. Oui, avec des noms sur lesquels il faut s'arrêter. David Niger, effectivement, vous avez évoqué cette question des centres, des écoles de préservation. Ou encore ces centres d'observation qui viendront plus tard, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ces centres ? On veut les préserver de quoi déjà, par exemple, dans ces centres, dans ces écoles de préservation ? Alors, on veut les préserver d'elles-mêmes, d'abord. C'est surtout ça. On considère, depuis le XIXe siècle, et en avançant dans le XXe siècle, que, avec la médicalisation du regard porté sur ces filles, qu'elles sont un danger pour elles-mêmes, qu'elles ne se contrôlent pas, qu'elles sont agies par leur corps d'une certaine manière. Et donc, il s'agit d'enserrer, de surveiller ce corps et d'appliquer un certain nombre de disciplines sur ce corps. Discipline au sens presque religieux du XVIIe siècle, c'est-à-dire la discipline, c'est aussi sur soi, la façon dont on se fait mal volontairement pour pouvoir justement entrer dans une vie plus religieuse dans les couvents du XVIIe siècle. Exactement, et le modèle du couvent convient parfaitement à la rééducation des jeunes filles au XXe siècle, qui plus est, c'est un système relativement prophylactique avec des circulations à l'intérieur du couvent qui permettent d'isoler certaines catégories, d'autres catégories jugées moins corrompues. Oui, il y a les sept catégories catégories, vous dites souvent, enfin je ne sais plus dans quelle institution, en fait, mais il n'y a pas de mélange quand même, parce que vous dites qu'il y a toutes les classes sociales, mais enfin oui, la première catégorie, voilà, elles ne sont pas mélangées en tous les cas, grâce à ces catégories. Véronique Blanchard. Elles sont soi-disant pas mélangées, ensuite après on a comme toujours, hein, comme dans les prisons, on veut absolument séparer les mineurs et les majeurs, on n'y arrive pas, on veut séparer les primo-délinquants des multirécidivistes, on n'y arrive pas, et dans les bons passeurs, on n'y arrive pas non plus. Mais il y a véritablement une double clôture dans les bons passeurs, on est à la fois dans un univers carcéral et dans un univers monacal. Et c'est quelque chose qu'on va reproduire dans les écoles de préservation, qui sont des institutions publiques, pour le coup, qui vont être extrêmement minoritaires, mais qui reproduisent quasiment à l'identique ce qui se passe dans le Bon Pasteur, qui est le modèle de la prise en charge des mauvaises filles dans la France du 19e et 20e siècle. Elle me regardait, je suis sous le charme, comme si tout à coup je n'étais plus une femme. C'est agréable comme sensation, j'ai l'impression d'être au collège devant un garçon. Et dans mon cœur et dans mon corps, tout le monde a l'air d'accord pour me dire que je suis touchée là où jamais je ne me serais aventurée, comme un sens interdit. Si les garçons ne m'ouvrent pas leur cœur, je sens que je vais aller voir ailleurs, là où tout est beau et plein de douceur, les femmes. Je sens France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Me souffle-t-on comme si c'était une fausse direction? Mon plaisir se moque de tes équations. Je laisse aller mes sens, mes émotions. Cette eau douce absolument pas. Yel, les femmes, effectivement, on comprend bien, comme le disait tout à l'heure Séverine Attard, que la moindre incartade permet à la société de mettre ces jeunes filles à l'écart, mais en les mettant à l'écart entre elles, on va peut-être aussi conduire, comme le dit Yel, à ce qu'elles regardent d'autres femmes, alors que justement, on ne veut surtout pas que les filles entre elles se fassent l'amour, et l'homosexualité est particulièrement condamnée, David Niger ou Véronique Blanchard. Oui, alors c'est vraiment le tabou absolu. C'est ce que les sœurs pourchassent absolument. Et en même temps, on ne peut pas imaginer que ces jeunes filles qui sont placées quand même sur des moyennes de 7-8 ans, souvent elles arrivent à 12, 13, 14 ans, elles repartent vers 21 ans. Donc vous imaginez bien dans ce collectif de femmes que les relations sexuelles, consenties ou non, ont existé. Et nous les avons beaucoup cherchées dans les archives. On en a parfois trouvé des traces et certains des portraits qu'on a écrits montrent que bien sûr cette question de l'homosexualité était très présente, même si elle était très tue, c'était un tabou, donc dans les archives c'est pas toujours très simple de la découvrir. Mais on n'a pas dit au début de l'émission, on n'a pas parlé de la procédure d'enfermement, parce que finalement ces filles, voilà, elles sont enfermées, elles sont considérées comme déviantes. Alors souvent, on comprend dans votre ouvrage par leurs propres parents. Elles ont fait une fugue, par exemple, et c'est le père, l'autorité paternelle, le code civil napoléonien qui autorise cela aussi, hein, qui va demander à la justice d'enfermer sa propre fille. Tout à fait. Il y a plusieurs voies pour être enfermée. La plus classique au 19e siècle et pendant une longue partie du 20e siècle, c'est la correction paternelle. C'est effectivement le père de famille qui estime qu'il y a des raisons d'être mécontent, c'est l'article du code civil, et qui a droit d'enfermement. Alors, c'est pas spécifique aux filles, hein, c'est possible aussi d'enfermer les garçons selon la correction paternelle, mais quand on fait un peu des statistiques, on se rend compte que 2/3 des mesures de correction paternelle sont dirigées à l'égard des filles. Et puis, il y a un enfermement plus classique, l'enfermement pénal, hein, à l'égard des jeunes délinquantes. Et au XXe siècle, ce sont les tribunaux pour enfants qui naissent en 1912, qui vont prendre en charge, en fait, cet enfermement pénal. Et ce qu'on voit, et c'est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que la justice des mineurs se spécialise, elle va prendre en charge de plus en plus de fille. Pourquoi ? Parce que elle ne s'attache plus simplement à réprimer des comportements irréguliers ou des délits, mais elle s'attache à essayer de façonner des individus, des subjectivités. On parle de rééducation ? Exactement. Il s'agit d'éducation. Donc on va de plus en plus s'attacher à des comportements prédélinquants, des indices de risque, etc. Et en ce sens, les filles sont plus touchées, beaucoup plus touchées qu'au XIXe siècle par ce repérage judiciaire qui porte sur les comportements et pas tellement sur les faits délictueux. Et une fois encore, la médecine va jouer un rôle. Tout à fait. Et à la naissance de la psychiatrie et de la psychanalyse. Tout à fait. Peut-être qu'il faut aussi insister, parce que vous avez employé le mot de fugue et que nous avons plusieurs portraits de jeunes filles dans l'errance, fugueuses au XXe siècle, vagabondes au XIXe siècle. Et la mobilité des jeunes filles est quelque chose de vécu comme extrêmement dangereux. Donc on est vraiment là aussi dans un contrôle des corps juvéniles féminins. Et le délit de vagabondage jusqu'en 1935, puis la question de la protection de la fugue vont être des motifs extrêmement importants qui permettront d'enfermer les filles pour des années dans des congrégations religieuses. Oui, et on a évoqué à l'instant même, Séverine Attard parlait de la question médicale. C'est vrai que vous ouvrez quasiment ce livre par Charcot, par la naissance de l'hystérie, et donc l'idée que ces jeunes filles sont hystériques et qu'il faut les enfermer. Et il va y avoir tout au long de ce siècle 20e siècle, donc la prise en charge médicale, ça va de Charcot au professeur Paul Lemoyle, etc., etc. Toutes personnes qui se sont beaucoup intéressées à ces jeunes filles déviantes, Véronique Blanchard. Oui, et puis ce qui est très intéressant dans cette médicalisation, dans cette psychiatrisation des jeunes filles, des mauvaises filles, c'est que d'une certaine manière, ça permet d'invisibiliser leur violence et leur rébellion. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler pour ces jeunes filles d'actes de violence, on ne va donc pas aller du côté du pénal, on va rester dans le civil et le médical, et on va dire qu'elles ne maîtrisent pas leur corps et qu'elles sont folles. Elles ne sont pas violentes, elles sont folles. Et vous voyez que ça a véritablement va avoir des conséquences, par exemple, sur les statistiques judiciaires. Si vous êtes du côté de la folie, vous êtes du côté du médical et vous n'êtes pas du côté du judiciaire et du pénal. Et ça explique en partie les décalages statistiques extrêmement forts entre la délinquance des garçons et la soi-disant non-délinquance des filles. Oui, là, il est question toujours de genre, hein, bien sûr, dans votre ouvrage. C'est-à-dire qu'on voit bien comment le jeune délinquant, il peut être héroïsé. Par sa violence, ses actes. Et par contre, la jeune délinquante, c'est pas possible. David Niger, ouais. Tout à fait. On estime quelque part que même s'il faut la canaliser, la violence des garçons ou les comportements irréguliers des garçons font partie d'un ethos viril quelque part. Et ça peut être canalisé, en fait, réinstrumentalisé pour pouvoir fabriquer des hommes, finalement. Alors que s'agissant des jeunes filles, il y a quelque chose de contre-nature, en fait, hein, dans tout acte. Tout acte de violence, tout acte de rébellion. Et en effet, comme disait Véronique, bon nombre d'actes de rébellion, que ce soit dans la vie libre, hein, ou que ce soit dans les institutions, sont requalifiés comme des actes pathologiques. Et puis, cette rébellion peut être perçue d'une autre manière par la société. Ça n'est pas simplement parce qu'on a fait un acte délictueux. Enfin, si, c'est un acte délictueux au regard de la loi de l'époque, en l'occurrence, on peut avoir un enfant, par exemple. Et à partir de ce moment-là, on devient cette catégorie très particulière, qui est la catégorie, Véronique Blanchard, des filles mères. Oui, tout à fait, et qui occupe aussi, bien sûr, l'ouvrage, avec le travail d'Antoine Rivière, hein, qui faisait partie du comité scientifique de l'exposition et qui nous a beaucoup aidés, hein, pour ces trois figures des filles mères. On est là dans une figure très particulière et paradoxale, puisque, comme vous l'avez dit très bien hier, le but final d'une fille, hein, c'est de devenir mère. C'est vraiment l'idéal, hein, de la bonne fille. Et mais surtout dans un contexte de dénatalité ou de crainte de la dénatalité, fin de siècle, par exemple, après la défaite de 1870 ou encore plus après 1914. Voilà, sauf que pour être mère, il faut être mariée. Et si on n'est pas mariée, alors là, on tombe dans le péché le plus grave. Et donc, on bascule de cette figure idéale de la jeune mère à la figure terrible de la fille mère, avec tout ce que ça entraîne, parce que ça veut dire aussi abandon d'enfant, ça veut dire parfois aussi infanticide, et ça vous met alors là, du coup, très vite au tribunal. Donc il y a des créations aussi, Véronique Blanchard, donc de maisons maternelles, où ces femmes-là donc, sont accueillies à la fin de leur grossesse. Et tout à fait. Soit certaines écoles de préservation vont accueillir des jeunes filles qui parfois sont des jeunes filles violées, hein, il faut le dire. Hein, la violence sexuelle sur ces corps féminins, surtout des classes populaires, est extrêmement importante. Et il y a des jeunes filles qui vont être violées, qui vont être considérées, et le mot que vous avez utilisé tout à l'heure de vicieuses hein, dans le texte est extrêmement important pour comprendre aussi la question des mauvaises filles. Elles sont vicieuses, elles sont perverses, elles n'ont pas su empêcher l'acte de se passer. Elles vont être enfermées en école de préservation, elles vont accoucher et la plupart du temps, pour ces jeunes filles-là, on va leur retirer leur enfant avant l'âge des 1 an. Et elles vont peut-être finir au bordel, en l'occurrence, dans une institution qui est largement tolérée et réglementée par la Troisième République, par exemple, qui par ailleurs critique justement ces filles qui font commerce de leur sexe. C'est la grande ambiguïté de jusqu'au moins aux années 1950 et encore jusqu'à aujourd'hui de ces institutions qui gouvernent le corps des jeunes filles. Tout à fait, oui. Il y a une grande hypocrisie autour de cette question de la prostitution juvénile. Elle est théoriquement prohibée, proscrite à la fois par la morale et par la loi, quoique la loi laisse entrevoir des possibilités. Hein, la Cour de cassation stipule tardivement, à la fin du 19e siècle, qu'on ne peut pas se prostituer avant l'âge de 16 ans. Donc voilà. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'irrégularités, que la brigade des mœurs, notamment, est tout à fait tolérante avec certains bordels qui se spécialisent même dans les jeunes filles, hein, notamment à Paris. Et par ailleurs, il y a un discours prophylactique qui naît au XXe siècle et qui fait que enfin, peut-être, on va se prendre en charge cette question-là, notamment autour de la syphilis. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours médical qui identifie dans la jeune fille à la fois un foyer extrêmement vif de la maladie parce que c'est un corps juvénile qui peut répliquer la maladie de manière extrêmement active. Et puis, et ça c'est intéressant, les médecins décrivent les jeunes filles comme des pièges pour les hommes parce que leur corps d'apparence saine et séduisante ne présente pas les atours d'un risque, d'un danger prophylactique. On ne dénonce jamais la concupiscence des hommes, mais par contre, on dénonce les jeunes filles prostituées comme étant des risques de contagion. Titre écrit par Virginie Despentes, comme je suis par les As Dragon. Tout de suite, on continue notre discussion consacrée aux mauvaises filles, pourrait-on dire, le titre de votre livre commun, Véronique Blanchard et David Niger, chez Textuel, dans notre série consacrée aux jeunes filles. Là, nous parlons du XXe siècle, Séverine Attard. Oui, si on chemine un petit peu, évidemment, dans le temps, c'est comment on re-réfléchit cette question de l'enfance délinquante, hein, durant dans l'entre-deux-guerres, mais il y a surtout des ordonnances qui vont être prises après la Seconde Guerre mondiale pour justement rééduquer plutôt que réprimer, on va dire. Tout à fait. Blanchard. Deux grandes ordonnances qui sont très importantes pour les garçons et pour les filles. L'ordonnance du 2 février 1945 qui vient instituer la justice des enfants telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un juge des enfants, des éducateurs, des éducatrices et cette idée de plutôt éduquer que réprimer, plutôt accompagner qu'enfermer et essayer de comprendre l'enfant avant de juger l'acte qu'il a commis. Donc voilà, première ordonnance extrêmement importante. Et deuxième ordonnance extrêmement importante aussi pour les filles et pour les garçons, mais qui va marquer aussi le contexte de prise en charge des filles, l'ordonnance de 1958 qui vient donner au juge des enfants la compétence d'intervenir pour les mineurs en danger, les mineurs qui nécessitent protection. Et là, on va avoir une surreprésentation des filles prises en charge dans un cadre judiciaire, au tribunal pour enfants, mais dans un cadre civil, parce qu'elles ont besoin de protection. Toujours le même refrain, hein, les filles sont plus à protéger que les garçons. Et ce contexte de l'après-guerre, d'une éducation plus individuelle des jeunes déviants et délinquants, va avoir effectivement beaucoup d'impact, d'effet sur les formes de la prise en charge des jeunes filles. Et donc, on a l'impression un petit peu d'avoir du coup des parcours, des itinéraires un peu, pas de vitesse, mais on a soit la jeune fille donc, qui va pouvoir aller dans apprendre un métier, par exemple, dans ces maisons de rééducation qui vont être mises en place après la Seconde Guerre mondiale, et puis avec la société de consommation aussi, une nouvelle génération de jeunes filles rebelles, entre guillemets, celles qui décident de garder sa liberté, de faire ce qu'elle a envie, et puis après, il y a évidemment 68, et puis le mouvement de libération des femmes aussi, évidemment, durant les années 70, qui va changer complètement cette attitude, cette représentation et ces actes finalement aussi de la fille dite rebelle, de la mauvaise fille. Alors... oui, tout à fait. Alors c'est un moment de transition qui est complexe à gérer justement pour les filles. Et d'ailleurs à l'époque, on parle de jeunes filles modernes. Et le terme de jeune fille moderne dans la presse féminine n'est pas du tout un qualificatif positif. Ah oui. Au contraire, la jeune fille moderne, c'est celle qui prend tous les risques, c'est celle qui succombe à la société de consommation, qui se maquille, qui drague, qui va danser dans les boîtes, qui va danser dans les caves, avec des coloniaux parfois. Il y a la question raciale qui pointe. Donc cette jeune fille moderne, celle qui prend tous les risques, est en effet la figure d'une jeune fille émancipée qui essaye de conquérir une autonomie, mais qui très rapidement peut être rattrapée par les normes et donc enfermée. Oui. Vous avez par exemple l'exemple de Dominique, qui s'appelle Dom en fait, qui devient chef avec deux FE d'une bande et d'une bande de garçons en l'occurrence. Donc c'est un moment intéressant que vous mettez en avant dans votre travail sur les mauvaises filles. Qui est cette Dom et pourquoi c'est important d'en parler justement comme figure particulière de cette fille rebelle? Dom, elle est très inspirée de l'héroïne du film de Carnet, Terrain vague, où justement Carnet décide de prendre une jeune fille comme chef de bande pour montrer à quel point ces bandes peuvent, à quel point ce contexte des blousons noirs, hein, puisqu'on est vraiment là au moment des blousons noirs. Carnet est vraiment obsédé par la question des blousons noirs dans cette fin d'année 50. Voilà, exactement. Et la question des blousons noirs pour lui, et c'est aussi la question des blousons dorés, c'est cette sociabilité juvénile, et donc il va mettre en avant une jeune fille, ce qui est extrêmement audacieux, hein, et qui va exactement dans le sens de ce que vient de dire David, de la fille moderne. On peut même trouver dans les bandes de jeunes des filles à la tête de ces bandes. C'est vraiment la préfigure de tout ce qu'on va ensuite développer autour des filles rebelles de l'époque la plus contemporaine, c'est-à-dire qu'elle est vraiment la précurseur de cette période-là. Et dans le même temps, dans ces écoles de rééducation, on va dire, cette même génération de filles peut être donc enfermée, en tous les cas rééduquée, à qui on va proposer d'apprendre un métier, par exemple, de faire un CAP. Mais vous dites bien aussi que c'est toute l'ambiguïté, c'est-à-dire que on apprend un CAP de couture, on apprend un CAP de cuisine. Donc, quand même, dans l'idéal, c'est de devenir une bonne mère de famille et une fille du logis. Voilà, c'est ça. C'est pas d'avoir un métier, d'être autonome et indépendante. Malgré tout, ça reste. C'est ça. Voilà. C'est l'éducation féminin. Ménagère. Voilà. C'est l'éducation des jeunes filles mise au service, alors tantôt de la famille comme institution, tantôt du patriarcat et de leur mari, tantôt de la nation et de l'effort économique national de reconstruction. Mais c'est toujours, il y a toujours une fin instrumentale à l'éducation des jeunes filles. On ne recherche pas à fabriquer des citoyennes autonomes. Là où, à la même époque, après 45, la question de la citoyenneté dans l'éducation des garçons est mise en avant. On cherche dans ces institutions de rééducation, à faire en sorte que les jeunes garçons soient de citoyens responsables, autonomes, entreprenants, etc. Les jeunes filles sont mises au service, au contraire. Donc là, il y a une vraie distinction de genre, en effet. Et la question de la sexualité est toujours extrêmement dominante dans ces institutions. D'abord, on est toujours avec des bons pasteurs et des refuges, hein, il faut le dire. Les internats publics de l'éducation surveillée pour les filles sont au nombre de 1 ou 2. Donc on est vraiment encore dans un contexte religieux très fort et dans un contrôle du corps des filles et dans une non-mixité absolue de ces établissements. Et paf, 68, et paf, les années 70, et là... Tout change d'une certaine façon. En tout cas, si on vous suit, il y a quand même quelque chose qui se brise à ce moment-là de cette volonté de contrôle depuis les années 1850 sur le corps et la pensée des jeunes filles, et quelque chose de très différent, et peut-être même une sorte de valorisation de la jeune fille rebelle par le cinéma, par la musique, par tout un tas d'autres moyens. Oui, tout à fait. Alors 68, on a beaucoup dit, et les sociologues d'ailleurs à l'époque, Bourdieu et d'autres, ont beaucoup dit que 68 ne concernait pas les jeunes des classes populaires. Et nous, ce qu'on voit finalement, quand on essaye de retracer dans les archives au plus serré les paroles des jeunes filles, en particulier des années 60, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de revendications sur l'autonomie, la liberté sexuelle en particulier, sont bien présentes dans les paroles de ces jeunes filles des classes populaires. Donc là, pour le coup, on revient un peu sur un certain nombre de poncifs de la sociologie de la jeunesse en montrant qu'il y a des soucis communs. Et puis l'autre question de 68, c'est la question du féminisme, en fait. Le féminisme de la deuxième vague, qu'on caractérise souvent comme un féminisme du corps et de la libération du corps. Et là, alors on peut prendre le problème par deux bouts. On peut dire soit les féministes abondent dans le sens de la protection des jeunes filles, des classes populaires, en cherchant à garantir leur intégrité corporelle et à conquérir des droits. Soit on peut le prendre dans l'autre sens et dire que finalement, ces jeunes filles des classes populaires, ça fait bien longtemps qu'elles sont féministes. Et qu'elle cherche, en effet, parce que c'est un combat autour du corps qu'elle mène depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle, la possibilité d'être mère, la possibilité d'avoir une sexualité libre, plus libre, etc. Et quelque part, elle rejoigne, en fait, par d'autres moyens, le mouvement et les luttes féministes. Véronique Blanchard. Oui, je pense que c'est très, très important ce que dit David là, et c'est des féministes qui s'ignorent, et c'est aussi des rebelles qui s'ignorent. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout voulu faire un livre misérabilis ou victimaire sur ces pauvres jeunes filles qu'on enferme, mais on a voulu montrer à quel point c'est leur résistance, c'est leur rébellion, c'est leur force, c'est leur volonté de ne pas toujours respecter les normes, même si elles le faisaient parfois de manière inconsciente, qui fait qu'elles sont enfermées et qu'elles vont aussi à l'intérieur résister et se confronter encore et toujours aux normes qu'on leur impose. Donc c'était vraiment très important pour nous de mettre ça en avant, même si parfois on en vient à choquer les actrices mêmes de cette histoire, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a rencontré, David et moi, à la fois pour ce travail et puis suite à ce travail, de nombreuses femmes qui ont été désignées par la société comme des mauvaises filles et qui, d'une certaine manière, ont intégré ce stigmate et qui ont beaucoup de mal avec l'idée qu'on essaye, nous, de défendre et auquel on croit vraiment. Qu'elles sont libératrices, qu'elles sont féministes, qu'elles se sont battues et que c'est finalement aussi elles qui ont obtenu les droits que nous avons obtenus à la fin des années 70. Alors, dans ces figures, il y a par exemple la hippie que vous décrivez aussi. Il y a la question de l'avorté, ça c'est vraiment une question des années 70. C'est une question qui date bien d'avant, mais qui se révèle au moment, évidemment, du droit demandé à l'avortement. Il y a ensuite, dans les années 80, la punk ou la punk, je ne sais pas comment on l'appelait à l'époque, qui donc sont des figures justement de cette révolte, de cette résistance aux normes de la société et qui prend des formes variées, qui sont des formes à la fois vestimentaires pour les hippies ou pour les punks, ou des formes de combat pour pouvoir avoir le droit d'avorter, par exemple. Oui, David, alors Léger. C'est intéressant parce qu'à la fois, il y a un certain nombre de signes communs. Elles endossent l'habit du rebelle et pour signifier qu'effectivement, elles sont dans une posture de contestation, de résistance. Et en même temps, elles sont rattrapées par leur genre, d'une certaine manière, régulièrement, dans les discours publics et médiatiques, etc., pour en faire finalement de fausses rebelles, hein, des rebelles sans cause, des rebelles qui finalement sont toujours finalement agis par d'autres. Si on reprend la hippie, par exemple, le garçon hippie qui est un tenant de la contre-culture, fier et valeureux, laisse la place du côté des filles à la jeune paumée qui va suivre un gourou, qui va se faire manipuler. C'est les routes de Katmandou avec Jane Birkin, par exemple, ou ce magnifique roman qui est paru l'année dernière, The Girls, de je sais plus, j'ai oublié le nom de l'auteur, sur les jeunes filles aux États-Unis qui suivent les gourous en Californie et qui se laissent abuser, y compris sexuellement, etc. Donc elles sont toujours agies. Elles sont jamais autonomes. Exactement, ouais. Et pour les punks, c'est pareil. Enfin, le mouvement punk, qui est un mouvement de contestation politique, la punkette, elle est dépolitisée en quelque sorte. On brandit tout de suite la menace ou le risque de la consommation de drogue, par exemple. Et donc, elle va tomber, cette punkette, dans la consommation pathologique de drogue. Donc, elle est rattrapée de nouveau par une sorte de corporéité pathologique, toujours. Et ça, c'est la société qui met en place tout ce dispositif, en fait. Même de manière inconsciente ou bien sûr. Oui, tout à fait. C'est on s'en sort pas. C'est aussi bien sûr hein, pour ça qu'on a choisi ce titre parfois un peu provocateur ou mal compris. C'est bien sûr, il s'agit de toujours réinterroger les représentations que la société a, par exemple, de sa jeunesse, de ses enfants et en particulier là de ses filles. Oui, donc bien sûr, c'est une question de représentation, de contexte social et même sur la question de l'émancipation et de la libération des corps, on en revient toujours au corps et on en revient toujours à parfois un tout petit peu aller trop loin avec ces jeunes filles puisqu'elles n'avaient absolument pas le droit d'avoir de relations sexuelles avant le mariage, il ne fallait absolument qu'elles ne connaissent rien aux choses de la sexualité. Puis tout d'un coup, dans les années 70, on leur dit que c'est tout le contraire. Mais c'est d'une violence extrême aussi. Donc elles doivent avoir des relations sexuelles, elles doivent savoir comment utiliser des moyens de contraception, elles doivent avorter s'il faut avorter. C'est là aussi quelque chose d'extrêmement violent et qui va marquer de très nombreuses filles. Vous voulez dire que c'est un renversement de la norme, mais auquel il faut s'adapter quand on est une jeune fille des années 70, c'est ça, David Liget ? Ça crée d'une certaine manière de nouvelles vulnérabilités. Ce sont de nouvelles injonctions justement à l'autonomie, à la responsabilité, à la gestion de son corps, avec toujours la suspicion de dire elles ne vont pas y arriver, elles ne vont pas forcément gérer la pilule, la contraception, leurs relations affectives. On leur demande d'investir énormément leurs relations affectives sans qu'elles soient... Est-ce qu'il les met en situation de vulnérabilité ? Oui, en effet. C'est pour ça d'ailleurs que le portrait de Valérie vient parler de l'anorexie et de la boulimie, hein, qui pour nous sont aussi des manifestations. Des formes de... Alors c'est toujours compliqué, hein. Pourquoi est-ce une mauvaise fille ? Mais parce que d'une certaine manière, le regard social pose sur ces corps extrêmement amaigris un regard très négatif. Oui, et vous montrez effectivement ce duo très particulier, qui est ce duo anorexie-boulimie, où on passe de l'un à l'autre, ou de l'autre à l'un, de façon régulière. Et vous terminez cet ouvrage par des prostituées venant soit du Nigeria, soit de l'Est de l'Europe, David Liget. Et on l'a dit au tout début, à propos de Bande de filles, sur Myriam la crapuleuse, celle qui, d'une certaine façon, est capable de prendre en main son propre destin et de en remontrer aux garçons de la cité ou d'ailleurs, à chaque fois, en brandissant le poing et quelquefois en faisant le coup de poing. Oui, tout à fait. Qu'il s'agisse de la prostitution ou des filles des cités, on a encore beaucoup tendance, malgré un certain nombre de conquêtes féministes qui ont amélioré la condition des jeunes filles, on a encore beaucoup tendance à supposer que ces jeunes filles doivent être protégées d'elles-mêmes d'une certaine manière. Hein. Et donc, s'agissant de la prostitution, par exemple, de jeunes migrantes, au nom de leur protection, finalement, les politiques publiques s'autorisent à les renvoyer dans leur pays d'origine, finalement. Et on retrouve une certaine forme de domination dans ces politiques de... Et vous avez discuté, ouais, justement, Véronique Blanchard, avec ceux qui sont chargés de cette protection, parce que, en fait, vous les mettez de bout en bout, plus ou moins en cause, qu'ils soient médecins, qu'ils soient juges, qu'ils soient autorités civiles ou religieuses. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les rencontrer? Est-ce que vous avez eu des réactions de leur part, en l'occurrence? C'est un peu plus complexe que ça, même, puisque je fais partie de ce système-là, puisque je suis moi-même de formation et de métier éducatrice et que j'appartiens au ministère de la Justice. Donc c'était d'autant plus intéressant d'avoir un regard aussi, non seulement d'historienne, mais de l'intérieur. Et je pense que et David et moi, et ceux qui ont travaillé à la fois sur le livre et sur l'exposition, on tend à ce qu'il y ait un débat public autour de cette question-là. Aussi bien la question des filles que la question des mauvaises graines, hein, qui est aussi qui est le second livre que j'ai édité, mais qui travaille sur la question de la justice des enfants en général. Et nous pensons, tous les historiens qui travaillent sur ce sujet, qu'il est temps en France que s'ouvre un débat citoyen autour de cette question de l'enfermement et de la prise en charge, que ce soit dans le cadre de la justice des enfants ou de la protection de l'enfance. Débat ouvert ailleurs, en l'occurrence, vous disiez, dans d'autres pays, c'est un débat qui a cours. On est en France peut-être un peu aveugle à ce qui est en train de se passer à l'étranger. De grands chantiers historiques se sont ouverts il y a une dizaine d'années dans un bon nombre de pays occidentaux, européens, à peu près tout le nord de l'Europe, le Canada, les États-Unis, l'Australie, sur les enfermements arbitraires de jeunes, et en particulier de jeunes filles, et les abus dont ils ont pu être victimes dans ces institutions. Et en France, pour l'instant, on a fait l'économie de ce débat historique. Et on a fait beaucoup d'économies autour de ces questions de la répression depuis très longtemps maintenant, malheureusement, dans notre pays. Merci à vous, Véronique Blanchard. Merci à vous, David Niger. Vous êtes co-auteur de « Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles », paru aux éditions textuelles. Et pour ouvrir cette émission, nous avons lu un texte tiré de « L'Europe des femmes », un ouvrage collectif paru chez Perrin, « L'Europe des femmes, 18e, 21e siècle ». Déjà les lettres d'auditeurs qui me disent qu'on a passé peut-être trop de titres en anglais aujourd'hui, mais enfin en même temps, qui aujourd'hui est peut-être plus incorrigible et plus rebelle que Gossip, je ne sais pas. C'était Heavy Cross pour terminer cette émission, une émission préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric, et à la réalisation, Séverine Cassard.